L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Thank you. Bonsoir à tous mes petits loups, ohayo gozaimasu devrais-je dire plutôt ce soir exceptionnellement, puisque en ce mardi 4 juin vous nous rejoignez sur Osmose Radio. Mes petits loups, vous êtes bien avec Stéphane comme votre habitude, vous êtes bien pour votre playlist rock et new wave hebdomadaire, vous êtes bien dans l'heure du loup et ce soir ce sera une émission thématique, l'avant-dernière émission de l'année. Et comme la saison des sakuras s'est éteinte, s'est achevée il y a quelques temps, bah, j'avais envie de consacrer une énième playlist, hein, c'est jamais que la quatrième que je fais dans l'heure du loup, une énième playlist au pays du soleil levant, un pays qui est capable de nous produire le pire comme le meilleur en matière de musique en général et en rock and new wave et en particulier. Donc on va voir tout ça ensemble pendant une petite heure, chers amis. Et là, on enquillait deux morceaux en fait pour ouvrir cette émission. On a une crainte des gains dans l'heure du loup. On commençait avec Alphaville et le titre Big in Japan et c'était enchaîné après avec Tsukure et le titre The Walk, un extrait de l'album Japanese Whispers. Parce que ouais, les Britanniques, hein, c'est un peu la perfide Albion, c'est une petite île qui fait face à l'Europe. Et le Japon, quand on y réfléchit, bah c'est un petit peu la perfide Albion asiatique en quelque sorte. Hein. Elle fait face à la Corée, à la Chine, à des pays avec lesquels elle a des relations parfois un petit peu tendues. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, deux groupes anglais qui font référence au Japon dans leurs chansons pour faire un petit peu, pas un amalgame, mais tout au moins une comparaison entre les situations de ces deux pays-là. Souhaitons que, enfin non, leur Brexit, ils l'ont fait il y a bien longtemps, les Japonais, voilà. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, chers amis, quand même, parce que récemment, là, bah, c'était ce week-end, à Nîmes, au festival This Is Not Love Song, vous aviez la crème des groupes de rock indépendants qui se produisaient pendant un grand week-end de 3 jours. Et vous avez parmi ces groupes, vous avez notamment les filles de Shonen Knife, un groupe de japonaises qui ont commencé au début des années 80. Elles ont la cinquantaine et elles ont toujours la patate, ça fait plaisir à voir. Et depuis donc une bonne quelques dizaines d'années, elles font du rock indé de très bonne facture. Si j'osais la comparaison, je dirais que c'est un peu les Breeders ou Luscious Jackson aux États-Unis, quoi. C'est ce genre de meufs, bon esprit, qui ont la pêche et qui font des morceaux sans prétention, mais qui nous donnent vraiment un bon coup de fouet pour affronter un petit peu les vicissitudes de l'existence, si j'ose dire. Et plutôt que de faire entrer dans des grands débats, des grandes présentations, je propose de vous en faire une idée tout de suite avec ceux qui aiment bien cet aspect de la culture japonaise, vous savez, les petits chats porte-bonheur, là, les mannequins Neko. Encore que quand le chat est mort, c'est peut-être plutôt le mannequin nécro, enfin bref, toujours est-il que les Japonais aiment bien les petits chats porte-bonheur, c'est peut-être un peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer tout de suite, Shonen Knife, Like a Cat. Having a funny dream. Thank you. J. Schmidt avec le titre Farewell, à l'instant une perle des années 80, et c'était enchaîné juste avant avec un morceau un peu plus contemporain, je crois, c'était des années 90 ou 2000, c'était Shonen Knife avec le titre Like a Cat, comme un chat. Ouais, parfois les japonaises sur lesquelles on a tant de préjugés, la petite femme asiatique bien soumise, la geisha en puissance qui te contredit jamais, etc. Ben, avec ces filles qui font du rock, vous avez pu voir un petit peu qu'elles étaient capables de manipuler les guitares aussi bien que les mecs et avec autant d'énergie, et encore c'est qu'un début. Je sais pas si on m'entend bien, parce que moi je m'entends assez mal dans le micro, voilà, même si c'est pour dire mes conneries en français, nickel, merci. Le Loïc, il est poilu comme un Ainu du nord de l'île d'Hokkaido, mais il est gentil quand même, et en plus il parle français lui, donc ça me facilite un peu la communication. Quoi qu'il en soit, on va continuer dans cette playlist consacrée au Japon ce soir. Chers amis, si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans l'heure du loup, et ce soir c'est une playlist ni bon ni mauvais, l'avant-dernière émission de l'année, et du coup voilà, c'est une playlist consacrée au rock et à la new wave, mais venue de l'autre côté du monde, du pays du soleil levant. Et je disais, ouais, J. Schmidt, c'est une perle des années 80, un groupe que je vous ai ramené quasiment à chaque fois que j'ai fait une émission consacrée au Japon. C'est vraiment un projet musical qui était capable de, qui a fait de très très bonnes choses. Bon, certes, les albums qu'elle a fait, la chanteuse du Sioko de son prénom, ont parfois un petit peu vieilli, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime. Et dedans, il y a vraiment des perles comme celle qu'on vient d'écouter à l'instant, Farewell. Voilà. J'ai cherché un petit peu pour savoir ce qu'elle devenait, cette fille-là, mais c'est vraiment pas facile de trouver des renseignements, enfin je veux dire, de trouver des renseignements sur internet en caractère romain, hein, parce qu'en hiragana, en katakana, en kanji, vous avez tout ce que vous voulez, mais moi je ne sais pas lire tout ça, donc voilà, je ne saurais pas trop vous dire ce que Sioko devient. Mais bon, elle a eu dans son sillage d'autres filles tout aussi talentueuses, je pense notamment à Exochika, la fille, la moitié en fait du duo Oral Vampire, qui est un groupe plutôt orienté EBM, avec plus d'électronique mais autant d'énergie. Et sur l'album Zoltan, qui il y a une petite dizaine d'années, il sortait un morceau qui résonne un petit peu avec l'actualité cinéma de ces temps-ci, puisque Jim Jarmusch a fait un film de zombies. Et bien là, justement, on écoute Oral Vampire avec le titre Border of the Dead. Thank you. grâce 2980, les terriens nagent dans l'opulence. Toutefois, les seigneurs craignent qu'un sursaut d'orgueil ne pousse un jour l'humanité à relever la tête. Alors, par le truchement de l'abêtisseur mondiovisuel, il bloque les pensées. L'homme d'aujourd'hui est asservi. Et comme il ne réfléchit plus, il se croit heureux. Moi, Albator et mon équipage, nous avons échappé à cette mise au fer morale. Nous sommes les seuls à pouvoir prévenir nos semblables du danger qui les menace. Évidemment, je ne pouvais pas y couper. Le Japon est un tellement gros producteur de jeux vidéo que forcément, parmi la musique, les thèmes musicaux qui nous ont marqués en pensant à ce pays-là, forcément, il y a des thèmes de jeux vidéo. Et à l'instant, vous l'aurez reconnu sans doute, si vous êtes un vieux gamer des années 90, comme moi-même, eh bien, vous aurez reconnu le thème de Guile dans le jeu vidéo Street Fighter 2. Donc là, ce n'était pas la version originale sur Super Nintendo, hein, peut-être, comme si vous avez joué à l'époque. C'était un remix, en fait, un remix de tous les thèmes de ce jeu vidéo précisément, avec par trois musiciens japonais, donc Yoko Shimomura, Isao Abe, Sio Nishigaki, trois illustres inconnus, en tout cas en ce qui me concerne, mais qui ont eu la bonne idée de reprendre ces thèmes-là et de les remettre un peu au goût du jour, voilà. Et puis bon, faut croire que des gens qui sont nés beaucoup plus tard que moi, comme c'est le cas de Loïc, le gentil régisseur d'Osmose Radio, ben eux-mêmes sont intéressés par Street Fighter, puisque comble d'un heureux hasard, eh bien il y a une compétition prévue ce soir ou demain soir. Donc vous voyez, un petit peu, les manettes n'ont pas rendu leur dernier mot, voilà. Toujours est-il que moi je prenais Guile parce que c'était le seul avec lequel j'arrivais à faire les cours spéciaux. Les autres, je me faisais défoncer en deux temps, trois mouvements. Voilà, donc à défaut d'être un bon gamer, eh bien je me suis recyclé dans l'animation radio. Sur, et vous nous rejoignez peut-être dans ce show vidéo, ce show radio que vous pouvez pas suivre en vidéo, et d'ailleurs parce qu'on n'a pas mis la webcam, mais c'est pas grave. Et du coup, ben, vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane, votre playlist Rock and New Wave. Ce soir, c'est une playlist consacrée au Japon, et on continue dans un style un petit peu plus métal, en tout cas métal dans tout ce que ça a de japonisant. C'est-à-dire qu'un pays comme le Japon, qui a quand même une culture assez riche et assez bien implantée, est a des traditions déjà qui se prêtent bien à des mises en musique. Je pense notamment à des styles musicaux comme le death rock, pour ce qui est du rock gothique, ou pour le glam, pour ce qui est du métal. Ce sont deux styles musicaux qui ont une tradition un peu théâtrale, qui a beaucoup de mise en scène dans les concerts. Et du coup, bah, le Japon, qui est le pays du kabuki, le théâtre comique qui a né au XVIIe siècle, il me semble, eh bien, le Japon s'est un peu réapproprié ces styles-là et on a fait quelque chose de tout à fait japonais. On n'a jamais pensé à faire ça dans les autres pays. En tout cas, on les a suivis. C'est le Visual Kei et le J-Rock. Donc, des stades de styles qui sont parfois un peu grotesques, il faut le reconnaître, et dans lesquels il y a énormément de groupes de merde, hein, des groupes commerciaux, des boys bands, des trucs comme ça. Et de temps en temps, il y a quand même des trucs pas mal du tout. Et le J-Rock a fait des émules en Occident. Et je vous en ai déjà passé d'ailleurs dans des émissions précédentes. Je vous avais notamment passé les Français du groupe Lire, un groupe qui me tient à cœur et qui donne plus de nouvelles, hélas, depuis quelques temps. Voilà, un groupe de Bordeaux qui s'était inspiré du rock japonais, donc ce style très propre du Visual Kei, et qui avait chanté dessus en français. Voilà, dans ce mélange de préciosité venue du glam et de son bien bourrin venu du métal, avec le côté un petit peu éthéré. Parfois des ambiances japonisantes. Et du coup, il y a d'autres groupes qui se sont engouffrés dans la brèche, si j'ose dire. Et c'est notamment le cas du projet musical Lightning, un garçon que j'ai découvert en fait sur un podcast sur YouTube, un vidéocast. Un garçon qui s'appelle Catchbutt et qui avait utilisé une de ses musiques pour un de ses podcasts vidéo sur YouTube. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Lightning, un heureux hasard. Et Lightning, en fait, qui est un artiste de Visual Kei français, qui a priori est apprécié et reconnu au Japon puisqu'il a produit son dernier album là-bas. Et je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite avec le titre « Eternal World ». Try to hide your tears. Un instant, c'était les gros bourrins d'Ultra Vomit, un groupe métal français avec le titre Takoyaki, et c'était enchaîné juste avant avec un autre projet français, mais de Visual Kei, celui-là, avec Lightning et le morceau Eternal World. Voilà, donc un groupe français, un autre groupe français, mais qui vont chercher un petit peu du côté du Japon, chacun à leur manière. Et Ultra Vomit, à l'instant, bah, c'était un extrait de leur dernier album sorti il y a 2 mois, je crois. Takoyaki, voilà, en fait, les takoyaki, ce sont des petites boulettes de poulpe. Taco, ça veut dire le poulpe, contrairement à, en français où ça veut dire ma voiture. Et du coup, takoyaki, bah, c'est donc des boulettes de poulpe qu'on peut manger avec une sauce salée ou avec un truc sucré. Et une fois, je vous cache pas que moi j'en avais mangé avec du Nutella et c'était super bon, alors que à voir c'était plutôt gerbatoire. Et je n'ai pas boudé mon plaisir. Voilà, j'aime bien mettre des trucs, mettre mes baguettes dans des trucs marrons. Voilà. Et quoi qu'il en soit, ben on va continuer dans cette playlist, chers amis. Excusez-moi, c'est l'humour d'Ultra Vomit qui est déteint sur moi. On va continuer dans cette playlist. On va rester dans les styles métal dans lesquels on vient de s'enfoncer à un instant. Et un autre projet métal qui est un peu déconcertant. Ça fait des années que j'hésite à vous en passer. Et donc il mélange mélange allègrement ben, les codes du J-pop, de la musique pop japonaise, avec tout ce que ça a de chorégraphie, de minette, de minet, bien fringué, etc., bien maquillé, qui chante des trucs un petit peu mièvres, et le son bourrin du métal, tel que vous le connaissez déjà. Pour le moment, j'en dis pas plus, je vous laisse vous faire une idée tout de suite avec le groupe Baby Metal et le titre Megitsune. Baby Metal à l'instant, pardon, avec le titre Megitsune, si je prononce correctement. Me demandez pas de vous traduire, par contre. Et donc, Baby Metal, là, vous avez eu le son, il faudrait que vous ayez aussi l'image. Et donc, du coup, sur le Facebook de l'Heure du Loup, facebook.com/l'heure du loup, tout attaché, Oh oui, tout à fait, comme dans le shibari, hein, cette perversion sexuelle japonaise qui consiste à avoir du plaisir seulement quand on est entortillé dans une corde de chanvre, voilà. Et donc, sur le Facebook de l'Heure du Loup, vous disais, je vous mettrai des vidéos des concerts de baby metal, parce que c'est vraiment de la musique visuelle en quelque sorte, magnifique oxymore, parce qu'il y a le jeu de scène, il y a la chorégraphie, tout ça. Alors je le disais, ça paraît un peu grotesque, il y a le côté un peu ridicule qui est inhérent au J-pop parfois, en fait, mais en même temps ça pourrait donner l'impression que c'est vraiment un produit commercial, un truc produit par les labels, un genre de girls band en quelque sorte, produit pour faire du fric pendant un an et puis après on passe à autre chose. Et en fait, ben, les baby metal, ça fait quand même plusieurs années qu'elles existent et qu'elles continuent à faire des trucs. Donc du coup, ça fait plusieurs années moi-même que j'hésite à en vous en passer, et du coup je me suis dit que bah, finalement c'était bien d'en parler tout de même, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, et donc je me suis dit que j'allais en passer, et je me suis dit que j'allais quand même me méfier des préjugés à l'égard de ces petites demoiselles, y compris de mes propres préjugés. Alors Baby Metal, vous disais-je, c'est un trio, trois jeunes filles japonaises qui sont vraiment dans le délire kawaii, hein, comme vous êtes pu le discerner, hein, en écoutant ce dernier morceau, avec donc des petits nœuds dans les cheveux, du rose, des jupes noires, une chorégraphie qui va bien, etc. Et en fait, tout à l'heure, je disais que le Japon était le pays du kabuki, et que du coup, les styles musicaux qui avaient des performances théâtrales sur scène, bah, ils se les étaient réappropriés avec talent, ces styles-là. Et bien en même temps, quelque part, c'est un petit peu aussi la démarche de Baby Metal. Ces trois jeunes filles disaient, par exemple, dans une interview pour Arte, elles disaient que, en fait, quand elles ont vu le signe des cornes que font tous les métalleux, hein, le signe popularisé par Ronnie James Dio dans les années 70, eh bien, ce signe des cornes, ce signe de Satan, en fait, dans les contes populaires, les contes qu'on récite aux enfants au Japon, eh bien, c'est le symbole du renard. Et du coup, elles, quand elles étaient gamines, disaient « Ah, c'est mignon, c'est la musique où ils font le symbole du renard. » Alors, du coup, elles ont commencé à écouter comme ça. Et c'est ainsi qu'elles y sont venues, voilà. C'est assez mignon, je trouve, comme détail. Un autre aspect intéressant pour Baby Metal, c'est que donc tout le monde leur crache dessus parmi les fans de metal. Tout le monde dit que c'est de la merde, etc. Par rapport aux préjugés que je définissais avant. Et on vient d'avoir une sacrée controverse avec Loïc, le soi-disant gentil régisseur d'Osmose Radio, qui lui ne supporte pas ça. Et moi, je tenais quand même à en passer, même si je suis pas fan de Baby Metal, parce que pour ce qu'elles ont d'intéressant en tant que phénomène, quand même. Et du coup, pour conclure sur le sujet, Baby Metal ont été largement soutenus par Rob Zombie, qui les a défendus envers et contre ses propres fans. Ça s'est fait par controverse Facebook et quelques interviews interposées, mais tout de même, il a pris le parti de les défendre de ceux qui leur crachaient dessus un peu facilement, en disant que c'était des poufiasses, que c'était de la merde, que c'était un produit commercial, etc. Et Rob Zombie a apostrophé les gens qui disaient ça sur Twitter, notamment, en leur disant « Mon gars, quand tu seras capable de faire ce qu'elles font, tu ramèneras ta gueule, connard. » Et autant Rob Zombie est capable d'être un gros con parfois, autant là, je trouve que c'était assez couilleux de sa part de prendre le parti de Minette, qui connaissait même pas d'ailleurs, il a fait des premières parties, enfin elles ont fait parfois sa première partie dans des tournées ou quoi, mais pas plus. Et du coup voilà, c'était quand même assez intéressant que lui ait pris le parti de les défendre alors que tout le monde leur tombait dessus à bras raccourcis. Et du coup voilà, ces trois minettes, on sait pas trop ce que l'avenir leur réserve, on verra bien, mais je tenais quand même à en passer parce que c'est un phénomène intéressant dans au sein du petit monde du métal. Voilà, on va aller vers la fin de l'émission, déjà le temps passe, et on va aller vers des styles un petit peu plus calmes, un petit peu différent, et on va aller vers un son aussi un petit peu plus froid avec le groupe canadien Koban. Alors Koban en japonais, ça veut dire poste de police. Alors je sais pas du tout si le duo de Koban ont un son un peu plus policé et c'est à référence qu'ils ont choisi le nom du groupe. Je ne crois pas très très honnêtement, parce que c'est pas tout à fait le cas. Mais par contre, ben, le nom du morceau qu'on va écouter tout de suite, lui fait référence à la culture japonaise, parce que le morceau s'appelle Cool Wind et ça fait référence à un des rares mots qu'on connaît tous en japonais, c'est kamikaze, un mot composé en fait, kamikaze, le vent divin. Le vent soufflé par les dieux, en quelque sorte, Cool Wind, bah c'est un peu ce qui nous protège aussi de la chaleur ces temps-ci, chez nous, dans la vallée du Rhône, en Provence, parce que si on n'avait pas le Mistral, on crèverait un petit peu de chaud. Donc voilà, un peu de vent frais, c'est peut-être aussi celui qui est en train de vous rafraîchir le bout du nez, les aisselles, voire d'autres endroits de votre anatomie si vous nous écoutez tout nu. Et du coup, je vous propose d'écouter tout de suite ce groupe Koban avec le titre Cool Wind. way of the samurai is found in death. Meditation on inevitable death should be performed daily. Every day when one's body and mind are at peace, one should meditate upon being ripped apart by arrows, rifles, spears, and swords. Being carried away by surging waves, being thrown into the midst of a great fire, being struck by lightning, being shaken to death by a great earthquake, falling from thousand-foot cliffs, dying of disease, or committing seppuku at the death of one's master. And every day, without fail, one should consider himself as dead. This is the substance of the way of the samurai. Wakeshima Canon, à l'instant qu'on entendait, c'était la bande originale d'un animé, en fait, une série d'animation qui s'appelait Vampire Knight. Voilà, moi, pour ma part, je ne l'ai jamais regardé, mais je sais que ça a beaucoup compté pour pas mal d'otaku, ou pas d'ailleurs, forcément. Voilà, et donc Wakeshima Canon, Steel Doll, qu'on écoutait à l'instant dans une version courte, s'est enchaîné juste avant avec Coban, un groupe canadien, il me semble, et le titre Cool Wind. Et entre les deux, bah, tout à l'heure, on parlait de Jim Jarmusch. Eh bien, c'était un extrait du très très bon film de Jim Jarmusch. Avec Forrest Whitaker. Ah zut, j'ai le nom sur le bout de la langue et je ne l'ai plus. Enfin bref, c'est l'histoire d'un noir américain en fait qui lit en fait le Bushido, la voie du samouraï, le code d'honneur des samouraïs, et qui décide de donner un nouveau souffle à sa carrière de tueur à gages en respectant le code du samouraï. Sauf que lui, bon bah, il travaille pas pour un daimyo, un seigneur, mais il travaille pour un mafieux italien. Voilà. Le film de Jim Jarmusch, c'était Ghost Dog. Ghost Dog, merci, heureusement que t'es là, Loïc. Voilà, donc un très très très bon film que je vous invite à voir. Évidemment, les films de japonais, les films de samouraï, les meilleurs, ce sont les japonais. Je pense notamment aux 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, qui à mon sens est un des meilleurs films de tous les temps, et que je vous invite à voir, bien entendu. Voilà, chers amis, ce soir c'était une playlist consacrée au Japon, à l'occasion de la saison des sakura qui vient de s'achever, puisque les arbres ne sont plus en fleurs et que le printemps est bien avancé, mais j'avais quand même envie de consacrer je crois que c'est la quatrième playlist que je consacre à ce pays-là. Pour si vous êtes curieux, les autres playlists, vous pouvez les écouter sur le site d'Osmose Radio, osmose-radio.fr, dans la rubrique des podcasts de l'heure du loup. Je vous parlais de cinéma tout à l'heure, et un autre film japonais qui m'aura marqué, c'était un film de un film de Mamoru Oshii qui s'appelait Ghost in the Shell, un film d'animation des années 90 qui était tout à fait novateur dans le thème de la science-fiction. Il aura été inspiré d'une bande dessinée, un fameux manga, et il aurait été adapté à l'écran en animé, donc en film d'animation, et c'était très très très beau, et la musique était à l'avenant, qui avait été composée par un compositeur que là aussi j'ai découvert grâce à ce film-là, c'est Kenji Kawai, et c'est avec une de ses œuvres qu'on va se quitter, chers amis. Merci d'être resté avec nous sur Osmose Radio pour cette playlist. Konbanwa, voilà, bonsoir, itadakimasu si vous vous mettez à table, hein, bon appétit, et puis si vous n'avez pas aimé l'émission, que vous êtes jamais content, eh bien kusutare, voilà, ça je vous traduis pas, mais vous aurez compris. Et donc pour nous quitter, chers amis, on va écouter la bande originale de film Ghost in the Shell de Innocence, là aussi un thème absolument magistral qui nous emmène dans l'ambiance si particulière de ce film singulier de science-fiction, carrément tordu, hein, je ne vous le cache pas, mais que je vous invite là aussi à voir. Allez, tout de suite, Kenji Kawai, Innocence, Ghost in the Shell, et bonne nuit, chers amis.